Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone. Et après cette visite, ce petit tour dans l'espace, bah, on va retomber les pieds bien sur terre ici à Québec et même à Limoilou. Vous avez peut-être vu et même profité de ces places éphémères chauffées qui ont surgi à quelques endroits de la ville. C'est une expression de l'urbanisme tactique. Alors, en quoi l'urbanisme peut-il être tactique? Je suis en compagnie de l'architecte Éric Rivard et on va explorer avec lui la genèse de ce mouvement, les avantages et là où peut mener ce mouvement. Bonjour Éric. Bonjour, merci de me recevoir encore. Ah, mais c'est toujours un plaisir, on attend à découvrir en urbanisme. Oui, tout à fait, tout à fait. Ben oui, j'étais content de voir qu'on pouvait en plus se raccorder à l'actualité parce qu'on a souvent parlé justement qu'on avait très peu de places publiques vécues en hiver au Québec, donc c'est intéressant de voir qu'on se sert de ce mouvement tactique. En fait, il y a plein de dénominations de ce mouvement. Ici, on appelle ça beaucoup à Québec là, les places éphémères, mais à la base, c'est un mouvement tactique. Le tactique, bon, évidemment, ça vient là, d'un contexte anglo-saxon, tactical urbanism, mm-hmm. donc. Et ça vient vraiment encore plus loin du DIY, je ne sais pas si vous connaissez, le do it yourself. Ouais. Oui. Donc, c'est vraiment à la base un mouvement militant. Mm-hmm. Qui prend naissance en Amérique, là, surtout sur la côte ouest américaine, là, donc Seattle, Portland. Et à la base, donc ça se traduit vraiment par des interventions assez spontanées qui sont souvent en réponse à des problématiques urbaines. Et qui viennent de qui viennent de la part des citoyens? Des citoyens. Okay. Des citoyens. Donc à la base, c'est un mouvement qui est complètement... où les professionnels de l'aménagement du territoire sont absents, où les politiciens, les décideurs publics sont absents. Donc c'est vraiment porté... D'ailleurs, dans la discussion aujourd'hui, on va en venir parce que la recherche en ce moment sur le tactical urbanism ou le design urbain tactique ou l'urbanisme tactique évolue très, très vite et on est en train d'assister à une institutionnalisation mm-hmm. de ce mouvement. Et la recherche, donc, est très, très, très actuelle, en fait, comme recherche en design urbain. Et donc, à la base, pourquoi on fait ce genre de projet tactique? Mm-hmm. Ben, finalement, c'est vraiment une réponse d'abord et avant tout activiste face à la ville. Donc, par exemple, on trouve que, bon, la ville a déserté un coin de rue, qu'il y a une friche près de chez nous, que la cour d'école des enfants n'est pas assez verte. On se réapproprie finalement un lieu pour l'améliorer à notre goût? Tout à fait. Donc, c'est un mouvement qui s'accompagne de gestes souvent très faciles à faire. Alors, on a vu des mouvements qui s'appelaient, par exemple, pavement to park, donc de l'asphalte au parc, où les parents, après l'école, avaient carrément creusé dans l'asphalte d'une cour d'école pour planter des arbres, sans demander de permission à personne. Évidemment, ça fait un peu partie à la base là, du mouvement qui est très activiste. Donc, c'est un mouvement qui répond à un contexte réglementaire très, très strict dans nos villes, dans les villes nord-américaines, pour faire des interventions sur l'espace public. Ça prend des permis, ça prend beaucoup de permissions. Ouais. Faut parfois même payer un loyer pour occuper le domaine public. Donc, ça répond vraiment à ça. On pense que d'une certaine façon aussi, c'est une implication politique. Donc, c'est-à-dire que c'est un geste politique physique au lieu que les gens, par exemple, vont s'impliquer dans un parti politique ou aller manifester, ben ils décident de passer à l'action et de modifier leur cadre physique. Donc, à la base, c'est un mouvement qui est très, très activiste. Est-ce que ça permet aussi, dans quelque sorte, de court-circuiter toute cette lenteur administrative parce qu'il faut obtenir des permis, des autorisations, etc.? Donc, est-ce que ça permet de court-circuiter un petit peu toute cette lenteur pour apporter, pour changer pour vrai quelque chose? Tout à fait. Donc, c'est un mouvement qui est très... qui se veut un peu vraiment en réponse à ce contexte réglementaire-là qui est très rigide, qui est perçu comme très rigide par les porteurs de ce mouvement-là. Donc, on est habitué dans les villes à entendre que les décisions se prennent du haut vers le bas. Donc, c'est un processus finalement où on intègre... En fait, les citoyens sentent que leurs préoccupations sont moins intégrées, que c'est plutôt un processus mm-hmm. qui vise à implanter une solution qui leur est imposée. Donc, c'est un processus qui est souvent rigide. On est face à une bureaucratie, évidemment. Il y a un processus décisionnel. Il y a des permis, des permissions, des règlements. Et en plus, ben c'est ça, les citoyens sentent qu'ils sont exclus d'une certaine façon. Décision. Donc, c'est vraiment un renversement complet de la chaîne décisionnelle. Donc, on appelle ça, au lieu de top to bottom, c'est bottom top. Donc, c'est vraiment de la base vers le haut. Et ça crée, évidemment, des chocs parce que, bon, on peut s'imaginer que c'est bien beau, là, la belle poésie de creuser de l'asphalte et planter un arbre, mais parfois ça va pas très bien. Il peut y avoir un tuyau en dessous, il peut y avoir un conduit électrique. Et donc, évidemment, ça peut créer aussi des oppositions. Bon, à Québec, dans le contexte de Québec, depuis plusieurs années, ça s'est traduit d'abord par des interventions ad hoc, donc improvisées sur le coin d'une rue, dans une rue, à la limite toujours de la légalité, c'est-à-dire que les gens qui faisaient ce type d'intervention-là souvent jouaient le jeu d'avoir le permis quand même, malgré tout. Donc, il y avait... et ce qui est intéressant, et c'est où je vais en venir aujourd'hui, c'est de voir comment les municipalités, et notamment la Ville de Québec, est très, très proactive en la matière. On pourrait le dire, probablement au Québec, une des villes les plus avant-gardistes en la matière, se sont un peu appropriées ce processus-là. Parce que, en fait, à quoi ça sert l'urbanisme tactique fondamentalement? Et même nous, à l'Université Laval, on se sert de l'urbanisme tactique pour enseigner le design urbain, par exemple. Ah oui. Parce que, en fait, c'est un laboratoire extraordinaire. Ça permet de tester une idée à l'échelle 1-1 en réel, donc sans présumer que ça va fonctionner de faire un parc sur le coin d'une rue ou ça va fonctionner de faire une place publique à un endroit, ben on peut carrément tester. Et donc cette idée-là du laboratoire 1-1 amène un pouvoir académique extrêmement intéressant à l'urbanisme tactique. Donc, nous, on s'en sert pour enseigner. Donc, on envoie carrément les étudiants dire ben, la ville est un laboratoire, elle est testée. Ah oui. D'abord élaborer un projet, faites un diagnostic, élaborer une hypothèse. Donc, ça ressemble vraiment au laboratoire de chimie. Ah, c'est ça. Donc, au lieu de faire une expérience dans le laboratoire, on lance un projet, on l'installe dans la rue, puis on regarde comment les gens se l'approprient, ce qu'ils en font avec, on les interroge, puis finalement, exact. C'est une expérience grandeur nature. Et on leur demande d'évaluer ensuite l'impact, est-ce que ça leur a répondu à votre hypothèse de design. Donc, c'est extrêmement intéressant. Ouais. Et c'est là probablement tout l'avantage, c'est-à-dire que ça permet d'avoir une rétroaction. Et ici, à Limoilou, on a un bel exemple qui est la Plaza Limoilou, au croisement là, de la rue de la Canardière et de la 3e Avenue, qui est moi je me plais à dire, qui est un peu le Times Square de Limoilou. Ouais. Et donc, ici, pendant 2 années de suite, on a testé des configurations en mode plutôt tactique, éphémère. Il y a eu une évaluation qui a été faite avec des sondages après auprès des occupants pour modifier l'aménagement l'année subséquente, pour ensuite, finalement, en venir à une place publique pérenne, permanente, qui a été faite. Est-ce que c'est toujours la fin en soi? Est-ce que c'est toujours d'en venir à l'aménagement pérenne? Pas nécessairement. Il y a des endroits où, finalement, le tactique passe et évolue aussi au gré des préoccupations des citoyens. Donc, ça peut, en même temps, ça peut servir d'objet d'étude pour les universitaires, mais en même temps, ça peut aussi servir de projet pilote pour la ville qui regarde un peu comment les gens se l'approprient, comment le bonifier, puis l'amener à une étape ultérieure au fil des ans. Et vous avez compris pourquoi les politiciens raffolent de ce genre de projet-là, parce que finalement, on peut faire un geste qui est quand même important, majeur, coloré, spectaculaire, en se disant, en se réfugiant derrière l'idée du projet pilote. Donc, en disant, parce qu'il y a toujours, il peut y avoir des risques d'opposition, il peut y avoir si par exemple on décide de fermer une rue, ben, les citoyens peuvent ne pas être contents, les riverains, par exemple. Et donc, l'idée du projet pilote apparaît extrêmement séduisante pour les politiques. Par contre, il y a des critiques, dans la littérature actuelle sur l'urbanisme tactique, c'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte que, bon, premièrement, les plus grosses critiques viennent du fait que ça serait un peu contre la vision holistique de la ville où on cherche à réfléchir sur la ville comme étant un ensemble ou un quartier et on cherche plutôt à régler les problèmes à la pièce, un après l'autre. Et ça, c'est une critique qui revient très souvent. Il y a aussi, il faut le reconnaître, la quête d'une espèce de capital culturel à travers ça. Donc, il y a des symboles qui sont associés à l'urbanisme tactique. On reconnaît, par exemple, le bois de palette, le bois noueux, l'état brut, la peinture de couleurs très flash, le jaune, bleu, les petits pochoirs et les petits fanions, les petites lumières accrochées. Donc, il vient que finalement, ça appartient aussi peut-être au développement d'une nouvelle élite. Et là, on peut se demander si c'est pas d'une certaine façon déjà aussi un détournement de la base militante de l'urbanisme tactique. Donc, on est peut-être ailleurs. Il y a des spécialistes maintenant de l'urbanisme tactique. Il y a des firmes, par exemple, qui ne font que ce type d'intervention. Ils appellent leur intervention transitoire plutôt que des appeler urbanisme tactique. Donc, une intervention qui est là en attendant de décider si on va faire autre chose avec ce morceau de ville. Donc, il y a toute une évolution. Donc, il y a des critiques. Évidemment, il y a des gens qui associent ça à un mouvement et à une frange de la population qu'on pourrait appeler amicalement les hipsters. Mais donc, ça rejoindrait surtout un certain groupe d'âge et que ça serait quand même assez fermé. Et ça, c'est une critique qui revient aussi souvent. Évidemment, on peut se demander si ça mobilise réellement les acteurs locaux, parce que dans cette quête d'un capital culturel, ben, si le but finalement c'est d'avoir, je ne sais pas, des clics sur Instagram ou des likes sur Twitter, ben, finalement, il y a justement l'idée de véhiculer ces référents-là qui sont toujours un peu similaires les uns à l'autre. Par exemple, on va utiliser le container, le conteneur. Donc, il y a des gens qui peuvent ne pas se reconnaître dans cette imagerie-là, dans cette culture-là. Exactement. Donc on peut se poser la question, même c'est quoi le rôle des professionnels d'aménagement? Est-ce que les professionnels d'aménagement ont le droit de faire de l'urbanisme tactique? Est-ce que c'est pas déjà d'une façon de détourner à ce moment-là, on ne peut plus appeler ça de l'urbanisme tactique? Donc là, il y a toute la recherche qui se pose ces questions-là. C'est pas évident, parce que là, le chercheur lui-même, il faut qu'il aille à ce moment-là questionner les gens qui se l'approprient, mais aussi les gens qui ne se l'approprient pas et pourquoi. Exact, et puisqu'ils ne se exact. L'approprient pas, ils ne sont pas là. Donc, comment aller les chercher? Et d'être très à l'écoute. Là. D'ailleurs, la première année de la Plaza Limoilou, bon, il y avait eu beaucoup d'artistes impliqués et les gens ont été très critiques sur les œuvres elles-mêmes. Donc, c'est-à-dire, parce qu'on sait très bien, l'art, c'est pas quelque chose qui est que tout le monde apprécie de la même façon. Donc, on peut adorer une œuvre et l'autre personne détester une œuvre. Et les gens ont beaucoup critiqué ce fait-là que, par exemple, c'était concentré autour des œuvres d'art et que ça laissait peu de place à l'appropriation personnelle. Alors que d'autres avaient dit, moi, c'est la place de mes rêves, j'adore les interventions artistiques. Donc, il faut être à l'écoute de tout ça. Donc, cette idée-là du mesurage devrait tout le temps être assez présente là, dans ce mouvement-là d'urbanisme tactique. Mais fondamentalement, c'est un outil d'expérimentation extraordinaire et c'est pourquoi la ville a lancé il y a même un site internet qui s'appelle Place éphémère, si vous tapez ça sur le site de la ville de Québec, qui donne même un processus avec demande de permission, demande de permis pour tenir une place publique éphémère. Et là, c'est très intéressant parce qu'on assiste finalement à une espèce de retour très rapide, c'est-à-dire le mouvement d'urbanisme tactique qui naît à Québec il y a même pas 10 ans, qui est un peu en opposition face au réglementaire. Et là, on l'institutionnalise et on refait des demandes de permis. Finalement, ça redevient porté par les pouvoirs municipaux. Il faut demander des permissions. Il faut répondre aux critères, etc. Donc ça, c'est extrêmement... C'est intéressant comme un chercheur en design urbain de s'intéresser à ça, de se rendre compte que comment un phénomène peut évoluer aussi vite. Maintenant, j'avais le goût de discuter d'un exemple concret où, finalement, il y a vraiment eu une intervention tactique très, très, très affirmée qui a été faite par... Oui, parce qu'en fait, la tactique est où on dit que c'est tactique, mais c'est tactique dans quel sens? Pourquoi ce mot-là? Exact, c'est ça. Bon, je vous amène sur le campus de l'Université Laval. On est entre le pavillon Bon Enfant et le pavillon De Coninck. Donc, en plein cœur du campus de l'Université Laval, vous avez le pavillon Bon Enfant, c'est la bibliothèque des sciences humaines et le pavillon De Coninck qui est aussi la plupart des cours, là, sciences sociales, sciences humaines. C'est un lieu qui est extrêmement fréquenté au cœur du campus. C'est deux des pavillons les plus fréquentés. Et il n'y a pas si longtemps, vous aviez entre ces deux pavillons-là des bacs de béton des années 1960, très hauts, très fermés, une série d'arbustes qui visaient un peu à briser le vent. Et un groupe d'étudiants débarquait là avec tout simplement des chaises jaunes. On les a appelés d'ailleurs amicalement les chaises jaunes, mais ça s'appelait chaises nomades. Et ils avaient finalement une cinquantaine de petites chaises. Là. Et là, il faut que les gens s'imaginent bien, mais des chaises scolaires, là, vraiment. La petite chaise d'école qu'on est habitué à voir en métal et en bois, peinte en jaune. Donc, encore là, vous avez la référence, évidemment, flash du mouvement, mais quand même. Et ce qu'ils ont fait pendant plusieurs jours consécutifs, ils ont testé des configurations pour voir s'il y avait un potentiel d'appropriation de cet espace, a priori très bétonné, très hostile. Donc, ils ont installé leur intervention pendant plusieurs jours consécutifs. Ils ont testé des configurations. Le premier réflexe de ces deux jeunes architectes, ça a été d'installer une trame parfaitement orthogonale pour avoir une image saisissante vue du ciel. Les gens ont boudé l'intervention. Ils ont cru que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas bouger, qui était plutôt de l'ordre de l'œuvre d'art. Certains ont cru même qu'ils devaient participer, donc ils ont empilé les chaises dans les bancs de neige pour faire leur propre œuvre d'art. Et il y avait très peu de gens qui s'assoyaient. Ils ont testé d'autres interventions. Ils ont notamment testé des configurations plutôt finalement circulaires où là, tout à coup, ces chaises-là créaient une espèce de banquette plutôt continue. Et là, il s'est mis à avoir quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire de la vie, parce que les gens se sentaient plus intéressés, adossés à quelque chose. Et il y avait tout à coup des interactions et les gens comprenaient tout soudainement qu'ils pouvaient aussi bouger les chaises, ah, habiter oui, l'espace. Ah oui, c'est marrant, hein, parce que si on les met donc en ligne, mais un peu espacées, en ligne droite, c'est comme si elles étaient figées, on ne peut pas les bouger. Mais dès lors qu'on les met un peu en rond, les gens comprennent que, bon, on peut s'asseoir, on peut parler, oui, parce qu'elles sont plus proches, mais on peut les déplacer. Exact. On peut les prendre. C'est et c'est que... intéressant parce qu'en fait, c'est des choses qu'on connaissait, parce qu'on connaît, par exemple, les jardins du Luxembourg. Ouais. Il y a ces grandes chaises qu'on peut aller bouger le long des bassins. Et c'est très clair. Tout le monde, quand on arrive au jardin du Luxembourg, c'est clair qu'on peut bouger les chaises. Là, ici, c'était moins clair. Ils voulaient tester ces configurations-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, ils ont été capables même de faire des conclusions sur les meilleurs modes d'occupation de cette place-là, donc les meilleures configurations de mobilier urbain qui permettaient aux visiteurs de s'installer pour quelque temps et de profiter de la place. Et ça l'a mené, ça l'a nourri le projet de réaménagement de cet espace public qui est complètement refait aujourd'hui à neuf, avec cette configuration ronde qui naît du projet des chaises jaunes. Donc, et est-ce que les chaises sont fixes ou est-ce qu'on a gardé une partie de chaises mobiles? En fait, c'est très intéressant. Dans le concept, il y a des chaises mobiles, mais ils ne sont pas installés encore. Donc on entre dans l'autre sphère, la sphère réglementaire et la sphère des inquiétudes institutionnelles. Ah. Voilà. Donc, c'est quand même, je pense, un projet qui est intéressant. Le premier projet qu'on pourrait qualifier de tactique à Québec qui a été fait, c'est le stationnement pour piétons qui avait été fait ici sur la 3e avenue à Limoilou, qui est un peu le premier qui a lancé un peu cet événement-là. Ça vient d'un mouvement... on appelle ça en anglais un parklet. Donc, nous, on l'a traduit par stationnement pour piétons ici, mais placotoir. Placotoir, à Montréal, ça, ils appellent ouais. ça un placotoir. J'aime bien ce mot-là. Oui, et ça vient aussi d'un mouvement qui est institutionnalisé à San Francisco où on a carrément le manuel du parklet. Donc, la ville fournit un manuel qui dit... quels sont les procédés, les processus pour installer cette espèce de terrasse devant son commerce. Donc, c'est un, on pourrait dire, si on veut le décrire là, pour les auditeurs, c'est une espèce de balcon qui prend la place d'une ou deux cases de stationnement sur rue. Donc, tout ça se passe dans l'épaisseur là, de la case de stationnement parallèle à la rue et les gens peuvent s'arrêter. À Limoilou, le stationnement pour piétons qui a été installé pendant 3 années. Il a même été installé à 2 endroits différents. Ça a été vraiment un succès incroyable. Mais finalement, le geste tactique, c'est aussi... le piano public, on en voit de plus en plus sur les parvis. Et le geste tactique peut même dépasser. Et c'est là que c'est intéressant, peut-être difficile pour les architectes d'accepter que ça n'a pas besoin d'être beau, esthétique ou réfléchi avec une pensée esthétique. Évidemment, on prêche pour notre paroisse et les architectes aimeraient tous que ce soit très beau et très esthétique. Mais, par exemple, vous avez des petites boîtes à bibliothèque qui se multiplient partout dans la ville. Ouais. Bon, ben ça vient directement du mouvement. Tactile, les croque-livres. Vous avez aussi, par exemple, des quartiers comme Saint-Roch, vous avez des citoyens qui se sont regroupés pour verdir les poteaux électriques. C'est directement un mouvement d'urbanisme tactique pur. Ils n'ont pas demandé de permission à personne. Et pourtant, on les remarque. C'est même assez pérenne. C'est-à-dire, ça fait plusieurs années qu'ils font ce type d'intervention et ça fonctionne vraiment très bien. Donc, c'est ça, si vous voulez, le site Internet de la ville est savoureux parce qu'on apprend que non seulement les places éphémères que la ville encourage de plus en plus et qui naissent vraiment de ce mouvement tactique se multiplient. Mm-hmm. Maintenant, elle s'hivernalise, je ne sais pas si on peut dire ce mot-là. En fait, on tente de voir si ça peut fonctionner l'hiver. Il y a, par exemple, je ne sais pas si vous avez en tête devant le 888 rue Saint-Jean, donc devant le Radio-Canada, il y a une espèce de passage qu'on appelle le passage Odéon, je pense, qui est une intervention tactique et qui cherche à justement prendre en main une friche. À même le trottoir ou? Carrément sur l'îlot, entre les deux rues, donc entre le Palais des Congrès et l'édifice de Radio-Canada, vous avez un ancien stationnement de surface qui est devenu finalement une agora. Et cet hiver, il y aura des projections de films. Donc, tout ce geste tactique-là vise à activer des morceaux de la ville. Il n'est pas dit que chacun de ces espaces-là deviendront à terme des espaces publics permanents. Par contre, ça permet à la ville, c'est un outil assez extraordinaire. La ville joue le jeu quand même du laboratoire, c'est-à-dire qu'il y a une rétroaction, on améliore l'année d'après ou on annule si on voit que ça n'a pas été, ça n'a pas atteint les objectifs qu'on avait visés au départ. Et donc, c'est un outil d'expérimentation de la ville qui est quand même assez intéressant. De toute façon, juste de considérer la ville comme un laboratoire, c'est un beau terrain de jeu, c'est ça. Mais donc, pour en revenir à ces places éphémères, ces places chauffées-là, c'est venu directement de la ville, c'est pas venu d'un groupe de citoyens qui se sont dit, est-ce qu'ils sont passés par la procédure dont vous parliez pour installer ces places-là, ou est-ce que c'est vraiment venu de la ville? C'est une excellente question. Je pense que les sociétés de développement commercial cas-ci sont impliquées. Je pense aussi que d'une certaine manière, le Carnaval de Québec est impliqué. Et donc, c'est concerté. L'Office de tourisme est impliqué aussi. Donc, c'est vraiment un mouvement concerté où on a tenté finalement de multiplier ces espèces de petites étincelles d'urbanité dans tous les quartiers. Et ça, c'est intéressant parce que pendant longtemps, le mouvement d'urbanisme tactique s'est beaucoup concentré dans les grands centres. Peut-être justement encore à la fois en lien avec cette quête du capital culturel, donc très près du public cible, on pourrait dire, ou des acteurs qui le portaient ce type de mouvement. Mais on voit de plus en plus, ces gestes-là d'urbanisme tactique ou d'intervention transitoire avoir lieu dans des quartiers un peu plus éloignés. Donc, il y a même eu des interventions ici à Québec sur la rue Racine, à l'ancienne Lorette. Il y en a maintenant à Sainte-Foy, il y en a à Sillery, il y en a à Beauport, près de l'étang de la côte. Il y en avait cet été une petite intervention aussi. Et donc, d'une certaine façon, c'est en train de se répandre. Ça peut aussi être utilisé à des fins de sensibilisation citoyenne. Et donc, par exemple, ici à Limoilou, il y a l'église Saint-Charles qui est fermée depuis au culte depuis quelques années. Et il y a un groupe de citoyens engagés qui cherchent à finalement remettre l'église Saint-Charles dans le débat public. Et ils se sont servis du parvis en mode tactique, c'est-à-dire en faisant une intervention tactique pour réactiver l'église là, comme dans le débat public. Donc, pendant trois étés maintenant de suite, ils ont fait des aménagements qu'ils appelaient l'espace parvis, où ils invitaient finalement les citoyens à venir pique-niquer, se réunir. Il y avait des activités organisées ou pas qui avaient lieu finalement sur le parvis de l'église. Vous connaissez peut-être le SPOT, qui est un événement étudiant, c'est-à-dire à chaque année, les finissants à l'école d'architecture prennent d'assaut un espace de la ville puis tentent de l'animer pendant toute une année. Et donc, faut être un peu autocritique. Moi, j'ai souvent parlé qu'il ne s'agissait pas d'urbanisme tactique à ce moment-là parce que ce sont des espaces qu'on doit surprogrammer pour qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus de l'ordre du festival, d'une festivité. Parce que si on doit à tout prix programmer un espace public avec vendeurs moins la spontanéité ou... Plutôt l'ordre du village, le village par exemple carnavalesque ou le village de festivité. Et on a remarqué, c'est ça, que finalement l'urbanisme tactique peut-être avait pas besoin nécessairement d'être programmé. C'est peut-être plutôt quelque chose de, et il faut peut-être revenir à cette spontanéité là du do it yourself là, du mouvement de départ. Aussi, c'était très intéressant parce qu'on peut reconnaître à travers ce mouvement là certaines valeurs de notre société qui sont très actuelles. Par exemple, le mouvement tactique de la côte ouest américaine est un mouvement très, très, très vert, très engagé vers le développement durable. Donc, ça va beaucoup être tourné, par exemple, autour de la gestion des eaux de pluie dans l'espace public. Ça va beaucoup tourner autour du verdissement. Du verdissement, puis aussi de retrouver, parce que le développement durable, c'est l'environnement, puis les aspects sociaux, puis par ces événements-là, on donne aussi à l'occasion aux gens de se retrouver ensemble aussi, de socialiser entre voisins qu'on ne connaît pas. Tout à fait. Et peut-être le summum de ce type d'intervention, c'est qu'on retrouve à Portland ou à Seattle des immenses jardins communautaires qui ne sont pas supportés par les municipalités. Donc, ce sont carrément des citoyens qui ont vu un lot abandonné, parce qu'il y en a des lots abandonnés un peu partout en ville. Ils sont débarqués avec leurs pelles, leurs pioches, de la terre, et ils se sont créés un jardin eux-mêmes. Voilà, en tout cas, c'est une belle découverte de l'urbanisme tactique, une forme d'urbanisme qu'on ne connaissait pas vraiment, mais que chacun de nous peut expérimenter, finalement. Oui, en respectant les règles, évidemment. Exactement. Non, mais on peut aller en profiter, oui, c'est oui, dans oui. ce sens-là. C'était dans ce sens-là que je voulais le dire. Voilà. Chacun peut aller en profiter. Alors, merci beaucoup, Eric. Ça fait plaisir.